Je ne veux plus te voir en coup de vent. Je veux profiter de ton temps, de ces matins, tous les deux. Vous savez qu'elle nous ramène, nous, depuis toujours. Si faut mieux en nous essayer, séparer nous. J'ai moins qu'à fonner ou pas imaginer. Qu'elle me laisse tout doux. Mon équipe n'est pas facile pour sauver nous l'amour. Yeah. Essayez expliquer, yeah, mais y'a pas l'étendue. Choc à battre, j'ai pas même pu imaginer. Nos contents, tout doux. Je veux plus te voir en couvent, je veux profiter de ton temps, de ces matins, tous les deux enlacés. Ne plus se cacher aux yeux des gens, je veux exister. Oui, je veux t'aimer. Je profiter de ton temps, de ces matins, tous les deux.